L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, les bibliothèques municipales lancent ce printemps un cycle d'animation consacré à l'information et à l'esprit critique avec un rendez-vous particulièrement destiné aux familles. Ce sera le dimanche 22 mars à la médiathèque Manufacture. Fatima Lemkarbèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente EMI pour les bibliothèques de Nancy. EMI, ça veut dire quoi ? Alors EMI, éducation aux médias et à l'information. Alors pourquoi les bibliothèques de Nancy lancent ce programme autour de l'information ? Eh bien, aux bibliothèques de Nancy, l'éducation aux médias et l'information occupe une place importante dans nos actions auprès du public. Et aujourd'hui, l'information est partout, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, sur Internet. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de savoir ce qui est fiable ou non. Alors cet événement, le printemps de l'info, est donc un moment pour prendre du recul, comprendre comment l'information se fabrique et développer notre esprit critique à travers des rencontres, des ateliers et des jeux accessibles à tous. Alors justement, à qui s'adresse ce programme particulièrement ? Le programme s'adresse vraiment à tous les publics. Il y a des propositions pour les adultes, mais aussi pour les adolescents, les enfants et les familles. Par exemple, il y a certains ateliers qui prennent la forme de jeux ou d'expériences participatives pour apprendre à décrypter l'information, mais toujours de manière ludique. Alors parmi les rendez-vous proposés, il y a une rencontre le dimanche 22 mars autour de l'intelligence artificielle et de l'information. Alors de quoi va-t-on parler concrètement lors de cet échange ? Le 22 mars, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste Christophe Coqui, qui est le fondateur du magazine Geek Junior et Otaku Manga, qui s'intéresse depuis longtemps à la manière dont les jeunes utilisent le numérique. Et lors de cette rencontre, qui est intitulée « Info et IA, comment s'informer en famille ?», nous parlerons de questions très concrètes, comme l'intelligence artificielle influence l'information que nous voyons en ligne, comment repérer les contenus fiables et comment utiliser ces nouveaux outils de manière critique et responsable. Et à vos yeux, pourquoi il est important d'aborder ces questions aussi avec les parents et les enfants ? Aujourd'hui, les jeunes accèdent très tôt à l'information, souvent via les réseaux sociaux ou les plateformes vidéo. Et les parents peuvent parfois se sentir un peu perdus face à ces nouveaux usages. Donc l'idée est de créer un moment de discussion entre générations pour mieux comprendre ensemble comment fonctionne l'information, les algorithmes ou l'intelligence artificielle. Alors au-delà de cette rencontre du 22 mars, le programme propose, et vous l'avez évoqué, des ateliers, des jeux autour de l'information. Quels types d'expériences pourront découvrir les participants ? Alors le programme propose plusieurs formats pour découvrir l'information autrement. Par exemple, il y aura un atelier de contribution à Wikipédia pour comprendre comment se construit une encyclopédie en ligne et participer à la rédaction d'articles. Il y a aussi des animations comme Info ou Intox où l'on apprend à repérer les fausses informations ou encore Réseau et Info qui permet de mieux comprendre comment circulent les informations sur les réseaux sociaux. Et certaines animations prennent la forme de jeux, comme jouer avec l'info pour expérimenter concrètement la manière dont l'information est produite et diffusée. Alors on le voit, hein, le programme est dense, hein, il y a beaucoup de propositions de fêtes, notamment le 22 mars comme on l'a évoqué. Comment on fait pour participer à telle ou telle rencontre ? Alors il suffit de consulter le programme en ligne, hein, sur le site des bibliothèques de Nancy, qui s'appelle le réseau Colibris. Donc là, on peut directement s'inscrire parce que certaines animations sont en accès libre et d'autres se font sur inscription. Mais l'ensemble des rendez-vous est gratuit. L'idée est vraiment d'inviter le public à venir échanger, expérimenter et réfléchir ensemble à la question de l'information aujourd'hui. Donc ils peuvent nous appeler ou aller sur notre site justement Colibris où il y a tout l'agenda culturel. Et on retient cette date le dimanche 22 mars, Info et IA, comment s'informer en famille. Ce sera de 15h à 17h à la médiathèque Manufacture à Nancy, donc dans le cadre du printemps de l'information proposé par les bibliothèques de Nancy. Fatima Lemkarbèche, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et nous serons ravis d'accueillir le public dans les bibliothèques de Nancy pour partager ce printemps de l'info avec nous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.